Au futur et au conditionnel, on accentue la terminaison. La terminaison qui comprend le « r » de l'infinitif. Bon, l'infinitif du verbe « aller », c'est « ir ». Ir. Hmm? Alors, « j'irai » au futur, ça doit être « iré ». Iré. Hmm? Et si « ir » est suivi d'un autre verbe, par exemple « j'irai le voir », il vous faut mettre « a » entre les deux. « Ir a ». Alors, « j'irai le voir » se dit « iré a verlo ». Mais d'une traite, « iré a verlo ».« Iré a verlo ».« Iré a verlo ». Hein? Et pour dire « si j'étais toi, je n'irai pas hein? ».« Je n'irai pas ». No iría. No iría. Dites-le encore une fois. No iría. No iría. Hmm? Et nous n'irions pas. No iríamos. No iríamos. Le verbe pouvoir se dit. Poder. Poder. Hmm? Poder. Et je pourrais le faire au futur. Poderé. À l'origine, c'était effectivement poderé. Hein? Mais à force, poderé, mm-hmm. poderé, poderé, c'est devenu podré. Podré. Hein? On contracte podré. Donc, podré hacerlo. Hein? Je pourrais le faire. Alors, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas. No. No podrá. D'accord. No podrá. Le faire. Hacerlo. Bien. No podrá hacerlo. Et il ne pourrait pas le faire. No podría hacerlo. C'est ça. No podría hacerlo.